triste le matin. Je suis triste, je suis triste, je suis triste le soir. La radio show, la radio show, la radio show, les parades. La radio joue, la radio joue, la radio joue la guerre. Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Aline. Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. Je m'ennuie toute seule au lit. Pourquoi tu, pourquoi tu, pourquoi tu ne m'aimes plus? Ich warte auf dich, ich warte auf dich, ich warte nicht mehr lange auf dich. Et je bois, et je bois, et je bois beaucoup ce soir. Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Alina. Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. J'ai crié, j'ai crié, j'ai crié.